Chapitre 6e, où Pedro Diaz reparaît. L'arrivée de Madame San Luco au château de Cardal avait été un véritable coup de théâtre. Il en fut de même de son départ. Le lendemain, avant l'heure du déjeuner, la chaise de poste qui l'avait amenée la reconduisait à la station de Vannes. À toutes les instances de Fernande pour la retenir, elle répondit que des affaires urgentes réclamaient sa présence à Paris dans le plus bref délai. « C'est un vrai tour de force que j'ai fait en venant passer quelques heures auprès de vous, Madame la Duchesse, » ajouta-t-elle en prenant congé d'elle. « Une curiosité de femme dont je n'ai pas à me repentir, car feu le duc de Clodion était resté au-dessous de la vérité dans les éloges qu'il faisait de votre charmante personne. J'ignore quand nous nous reverrons, mais tenez pour certain que votre souvenir ne sortira jamais de ma pensée et que vous avez en moi une enthousiaste admiratrice. » Ces paroles à double sens sifflèrent aux oreilles de Don José comme une ironie sanglante. Lorsque la chaise de poste eut disparu, le marquis se tourna vers le bâtard. « Votre ami du Mexique, lui dit-il d'un ton goguenard, est une étrange personne. Elle fait 130 lieues pour vous voir et à peine arrivée, la voilà qui repart. « Nos Américaines sont toutes semblables à celles qui sortent d'ici, » répondit Don José. « Les distances pour elles n'existent pas. » Et afin de satisfaire leur moindre caprice, elle fera le tour du monde. Puis ce caprice satisfait, elle court sans transition à une nouvelle équipée. « Mais, mon ami, reprit la duchesse, vous auriez dû, ne fût-ce que par convenance, essayer de retenir Madame de San Luco. Je savais d'avance que toutes mes prières auraient été inutiles, et je me suis abstenu, » répliqua son mari, qui avait hâte de terminer l'entretien. Les jours qui suivirent s'écoulèrent, comme d'habitude, au milieu d'un calme profond. Toutefois, Fernand ne tarda pas à remarquer que José était retombé dans ses anciennes rêveries. Il avait repris ses promenades solitaires d'avant son mariage, et lorsqu'on lui parlait, il semblait ne pas entendre et ne répondait point. « Qu'avez-vous donc, mon neveu ? » lui demanda un jour le marquis de Cardal, qui s'était également aperçu de ce changement. « On croirait que vous voyagez sans cesse dans des espaces inconnus. » Le bâtard, à cette question, parut vivement troublé. « C'est vrai, » dit à son tour Fernande, « depuis quelques jours, vous êtes tout préoccupé. »« En effet, » répondit le faux duc de Clodion, en se remettant de son trouble, « j'ai un grand projet en tête et j'y rêve constamment. »« Voyons ce grand projet, » reprit le marquis d'un air surpris. « Vous nous avez fait cadeau, mon cher oncle, d'un hôtel aux Champs-Élysées, » continua Don José. « Cet hôtel, que je ne connais pas, est délaissé depuis longtemps et il me semble qu'il doit avoir besoin de réparation. »« Il est en fort bon état, » riposta le brave gentilhomme, « et j'ai appelé un architecte pour faire le nécessaire. Ne vous mettez pas martel en tête à ce sujet. »« Je ne dis pas le contraire, mais vous ne l'avez pas habité depuis 12 ou 15 ans peut-être, et les tentures et les meubles ont dû se détériorer. »« Ceci, je vous l'accorde. Ensuite ?» Vous reconnaîtrez également qu'une installation de garçon, si confortable qu'elle puisse être, ne saurait convenir à une jeune femme qui ira dans le monde et qui, par son rang et sa fortune, sera tenue de recevoir. « Songeriez-vous à me conduire à Paris, mon ami ?» dit Fernande, dont le cœur se serra à la pensée de quitter le château dans lequel s'était écoulée une partie de son existence. « Ne vous trouvez-vous pas heureux ici ?»« Sans doute, ma chère Fernande, » répondit José, « et si j'étais le maître absolu de ma volonté, je voudrais ne jamais sortir de ce château qui m'est devenu si cher depuis que j'ai eu le bonheur de vous y rencontrer. Malheureusement, ni vous ni moi, nous ne nous appartenons. Notre position sociale nous oblige à vivre un peu dans le grand courant de l'aristocratie parisienne, pour ne pas laisser tomber en oubli le nom que nous portons. C'est un devoir qui me sera aussi pénible qu'à vous de remplir, mais l'avenir de nos enfants nous le commande. » Ces diverses raisons, adroitement mises en avant, firent une certaine impression sur le marquis de Cardal, qui tenait énormément aux prérogatives de l'ancienne noblesse. « Je ne vois aucun inconvénient, ma chère Fernande, dit-il, à ce que ton mari aille passer quelques semaines à Paris pour transformer ma garçonnière des Champs-Élysées en une bonbonnière de petite maîtresse, puisque tu devras en effet y habiter à l'avenir de 3 ou 4 mois de l'année. Ainsi donc, mon enfant, et bien entendu, avec ton autorisation, je ne combattrai pas davantage le projet de départ du duc. Dites d'exil, mon bon oncle, reprit Don José. Il ajouta avec une voix sincèrement et profondément émue en portant ses lèvres à la main de la duchesse. Mais cet exil, je le rendrai aussi court que possible, car c'est ma vie, mon bonheur, que je laisserai ici. Don José, on le voit, avait fait accepter ses projets de départ sans éveiller aucun soupçon dans l'esprit de la duchesse et sans froisser les susceptibilités du gentilhomme breton. « Sous 15 jours, vous serez à Paris, je le veux !» avait dit Carmela, et elle allait être obéie. La séparation des deux époux fut des plus tristes. Quoique Fernand ne ressentît point d'amour pour son mari, elle le voyait cependant partir avec un sentiment de regret qu'éprouve toute honnête femme qui se sait tendrement aimée. Quant à José, il avait le cœur déchiré, et pendant que les chevaux l'emportaient, il tourna plusieurs fois ses yeux vers le manoir où il laissait tout ce qu'il aimait, sans savoir lorsqu'il reviendrait. Oh, comme en ce moment il maudissait Carmela, et comme il lui donnait avec joie la moitié de sa vie pour l'écraser sous ses pieds. Et puis au désespoir de quitter Fernande venait se joindre un grave sujet de terreur. Pedro Diaz allait arriver à Paris, et si, contrairement à ce que la créole lui avait affirmé, Pedro avait des soupçons, il ne manquerait pas d'accourir au château de Cardal afin de le démasquer. Autant que possible, il avait essayé de conjurer le danger en recommandant au marquis de lui envoyer le Texien s'il se présentait au château. Mais d'une façon comme d'une autre, l'arrivée en France de Pedro Diaz lui semblait pleine de menaces. Ses pressentiments ne devaient pas tarder à se réaliser. 5 jours après son départ, un homme d'une 30aine d'années et au visage d'un brun bistré arrivait au château de Cardal et demandait le duc de Clodion. Le domestique auquel il s'était adressé lui répondit que le duc venait de partir pour Paris. L'étranger parut vivement contrarié. « Quand doit-il être de retour » dit-il. « Dans un mois sans doute », lui fut-il répliqué. « Madame la duchesse a-t-elle accompagné, monsieur le duc ?» poursuivit l'homme au teint bistré après quelques instants de réflexion. « Madame la duchesse est restée au château. Son état de santé ne lui permettant pas un si long voyage, » repartit le vieux serviteur. « Serait-elle malade ?»« Non, mais vous comprenez. » Une jeune femme peut se porter très bien et ne pouvoir pas voyager. L'étranger tressaillit. « Je comprends. Mais monsieur le marquis de Cardal est-il ici ?» Sur la réponse affirmative du domestique, il fit passer son nom à l'oncle de la duchesse. Quelques minutes plus tard, Pedro Diaz était introduit dans le cabinet du marquis. Le marquis de Cardal, en voyant entrer Pedro, se leva et lui tendit la main. « Soyez le bienvenu, mon brave Diaz, » lui dit-il. « Monsieur le marquis me connaît ?» lui demanda le Texien, surpris de ce chaleureux accueil. « Si je vous connais, » répondit en souriant le gentilhomme breton. « Mais je ne connais que vous, mon ami. Mon parent, le feu duc, me parlait souvent de vous dans ses lettres. Vous lui avez, à ce qu'il m'a appris, sauvé autrefois la vie au péril de la vôtre, et depuis vous n'avez jamais cessé de lui montrer le dévouement le plus absolu. « J'aimais le duc de Clodion, » repartit simplement le Texien, qui sentait une larme rouler dans ses yeux, au souvenir évoqué de son vieux maître et ami. Oui, je sais cela, et je sais également que le fils a hérité de l'affection que vous portiez à son père. Le duc Jean vous a parlé de moi ? Dit Pedro Diaz avec un mouvement de surprise. Il m'a raconté avec quelle ardeur vous étiez mis à la recherche d'un fils naturel du duc qui, paraît-il, a disparu subitement. Ah ! Il a parlé à monsieur le marquis. Et comment a-t-il pu être informé de mes recherches, puisque depuis qu'il a quitté le Mexique, je ne lui ai jamais écrit? D'autres, défaut de vous, lui ont écrit, puisqu'il l'a appris. Mais rapportez-vous quelques renseignements sur le sort de ce malheureux garçon? Est-il mort ou vivant? Mes recherches ont été infructueuses, répondit Pedro, sans entrer dans de plus amples détails. Mon neveu est tellement inquiet et affligé de la disparition de son frère, poursuivit le marquis, qu'il m'a vivement recommandé, si vous vous présentiez ici en son absence, de vous dire d'aller sans retard le rejoindre à Paris. « Monsieur le duc était donc instruit de mon arrivée ?» dit Pedro Diaz, avec un redoublement d'étonnement. « Mais sans doute. Et par qui, monsieur le marquis ? Par ses amis du Texas, avec lesquels il est en correspondance, ou bien peut-être... Attendez donc. Mais oui, c'est ces dames du Mexique qui probablement lui a porté la nouvelle de votre prochaine arrivée en France. « Quelle dame ?» demanda brusquement le Texien. « Une fort jolie femme, ma foi, Madame Carmela de San Loco. »« La signora Carmela est venue ici ?» dit Pedro stupéfait. « Il y a environ 3 semaines. » Et monsieur le duc a quitté ce château, 15 jours après la visite de cette dame. « Mais pourquoi cette question ?»« Pour rien, monsieur le marquis, » reprit l'ex-intendant, que ces derniers renseignements avaient vivement impressionné. Puis il ajouta, « Ainsi, monsieur le duc m'attend à Paris. Il lui tarde de vous revoir. Vous le trouverez dans son hôtel des Champs-Élysées, avenue Gabriel. En ce cas, je partirai demain. Car moi aussi, j'ai hâte de revoir le fils de mon ancien maître. » dit Pedro Diaz avec un accent étrange, mais dont la signification ne pouvait être comprise du vieux gentilhomme. Pendant la journée que Pedro passa au château de Kerdal, il sut habilement faire parler tout le monde et se renseigner sur les habitudes, le caractère et l'existence que menait le duc de Clodion. Il eut surtout avec Angèle Maréchal un long entretien, et par elle, il connut ces mille petits riens qui sont comme la photographie de la vie intime. Ce fut ainsi qu'il apprit les hésitations de Fernande au moment de son mariage. « Et aujourd'hui, Madame la Duchesse ne regrette plus sans doute de s'être mariée ?» demanda le Texien. « Elle est heureuse ?»« Aussi heureuse que possible, » répondit Angèle. « Monsieur le Duc l'adore. » »« Et cependant, il la quitte lorsqu'elle est sur le point de devenir mère. » »« Oui. » »« Et il m'est venu une idée à propos de ce brusque départ. » »« Laquelle ?» Avant l'arrivée de cette dame mexicaine, Monsieur le Duc n'avait jamais parlé d'aller à Paris. « Et vous concluez de là que cette dame n'est peut-être pas étrangère à sa subite détermination ?» « Je ne dis pas cela. Je ne fais que relever une simple coïncidence, » répliqua Angèle. La même réflexion était venue à Pedro Diaz, toutefois il garda le silence. Le lendemain, ainsi qu'il l'avait annoncé, il quittait le château de Kerdal afin de se rendre auprès du duc de Clodion.